si loin de mes racines. Ma route est-elle tracée? Est-ce que je pourrais devenir ce que l'on attend de moi? Je veux vivre, ne m'enlevez pas cela. Aussi loin où j'irai, ma pensée m'accompagnera. Je ne pourrai pas oublier tout ce que l'on a fait pour moi. Je veux dire, ne m'enlevez pas cela. Je veux vivre.